Ce maudit clerc Guillaume est revenu, et de votre époux Placide a réveillé tous les soupçons. Grand Dieu! Que disait-il? Bref, maître André décide de placer ici, près de la maison, ce soir en embuscade, quatre gaillards dûment chargés. Si quelqu'un revient, ne le découragez par le moyen d'une bonne estocade. Mon Dieu ! Ne tremblez pas, pas de danger pour nous, car je suis engagé moi-même en cette affaire. Alors, ils ne verront personne. Oui, ma chère, l'occasion était trop belle en vérité d'assurer à jamais notre tranquillité en détournant les escopettes sur qui de droit. Est-ce donc de moi qu'il parle? La ruse est gentille. Expliquez-vous. Sous la charmille, venez mon cœur, je m'en vais tout vous dire. Hélas, je peur. Tu me fais rire. Ciel! N'avez-vous pas entendu quelque chose? Son amant. Mmh.